Chapitre 369. Ce que doit dire et faire celui qui commet un interdit. Allah Ta'ala dit: Et si jamais le diable t'incite à agir autrement, alors cherche refuge auprès d'Allah. Sourate 41, verset 36. Ceux qui pratiquent la piété, lorsqu'une suggestion du diable les touche, se rappellent du châtiment d'Allah, et les voilà devenus clairvoyants. Sourate 7, verset 201. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leurs propres âmes, en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés, et qui pardonne les péchés, sinon Allah, et qui ne persistent pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. Ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur, ainsi que les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Comme est beau le salaire de ceux qui font le bien. Sourate 3, versets 135 et 136. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Sourate 24, verset 31. 1807. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: Celui qui jure par Allat et Al-Uzza, deux idoles de l'ère pré-islamique, doit dire: Il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Et celui qui dit à son compagnon: Faisons un pari, doit donner une aumône. Al-Bukhari et Muslim.